nage en eau trouble, et je le sais bien. Partout on me double, cela ne fait rien. Je n'ai pas un rouble, mais je suis quelqu'un. Libre dans ma bulle, je ne me soucie pas. Tel un funambule, ne regarde pas en bas. Et je déambule, mais je reste droit. Je ne crains rien quand tu es là. Je ne crains rien, non rien. Mais je cours après quoi je cours après l'amour. L'amour sans détour, l'amour des beaux jours. Et même si parfois vos regards me blessent, même si je n'ai pas au titre de noblesse, je ne crains rien quand tu es là. Je ne crains rien, non rien, rien. Après l'amour.